pas. Mais vous êtes si semblables que pour l'une et l'autre mon cœur s'emballe. Elles sont belles, c'est un scandale. Sur vos seins, bout de madras suffit, trop de style, même en sandales. Voilà 18 ans de ma vie avec toi Nina. T'as les mêmes yeux que ta sœur, le même bonda. Et tu voudrais que je fasse quoi par tomber dingue? Les deux plus beaux déhanchés de l'ouest des Indes. Entre love et plaisir, je ne peux choisir. Préfère rester ici à moisir. Et chaque jour on me parle de vous comme de bijoux. De vous avoir laissé, on me dit fou. Caraïbes, votre mère, Atlantique, votre père vous protège et vous repère. Le soleil même vous allume et vous aime. Chacune parle son créole, mais au fond c'est le même. Tigua la va pas oublier, moi je parti à Canina. Nina, moi aimé, mais ou pas douce, elle aime un guada. A force, moi aller à gauche, à droite, y'en est là qu'y'en y m'a. Moi préféré la désir, tous les deux avant y doivent ta. Guada ou Nina. Non, pas un, moi choisi. C'est des femmes là. Faut y aurait été unis. Yo, même famille. Voilà, tu m'as tout appris, m'as toujours compris. Et l'un de l'autre, nous étions épris. Ce jour où, sur un coup de tête, j'ai dû partir. J'ai vu ton ciel pleuvoir, tes nuages noircir. Je t'ai dit au revoir, tu entendais adieu. Depuis notre coup de foudre, mon âme est en feu. Même en larmes, ta beauté me désarme. Et de ce hublot, j'ai vu défiler nos années. J'ai aperçu ta petite sœur, Malinina. Elle était sexy, m'a tendu les bras. Tu me manquais, elle m'a dit, je suis là. J'ai cru te voir et t'es trahi cette nuit-là. Elle a tes paysages, tes parfums, tes formes. Ton même visage et tout ce que veut un homme. Avec elle, je suis resté. C'était 7 ans et retourner te voir de temps en temps. Tigua la va pas oublier, moi je parti à Canina. Nina, moi aimé, mais ou pas douce, elle aime un guada. A force, moi aller à gauche, à droite, j'en ai là qu'y'en y m'a. Moi préféré la désir, tous les deux avant y doivent ta. Aujourd'hui, je suis avec France, elle est riche. J'apprends à l'aimer, mais pour l'instant, je triche. Car souvent, je pense à vous et je savoure ce que serait ma vie avec l'une de mes amours. Yepa, Maj Trafic, Wada ou Nina, Samik, comment choisir? Alors petit DA, ouais. Qu'est-ce que tu connais au rap? Ouais. Continue à signer des chèques et ferme ta gueule. T'en connais ton cunia maman. Tu me casses les burnes, ma musique est plus solide. Sous FIF, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. T'as fait ton enquête, faut pas que tu me rappelles comique. Tu me casses les burnes, ma musique est plus solide. Sous FIF, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. Des A, que t'ont-ils appris sur ma strap? Je me balade avec sur moi l'arme la plus fatale. Je crache tout tandis que leur couleuvre s'avale. Qui peut me dire ça va? Celui qui a tout dîne et s'affale. Celui qui n'a rien tire des rafales. J'arrache tes tympans, j'ai des choses à dire. Du percutant, tu frappes à terre mes sons me butant. Connard, tu nous fais perdre du temps. Tes doutes sur nous sont insultants. Erreur de débutant. Déjà devant nous éteint ton putain de portable. On t'emmerde toi dans ton fauteuil trop confortable. Là y'a pas de star hack, y'a pas d'arnaque. On vient on t'attrape direct dans ta baraque. Je sais de qui t'as peur et combien t'ont tapé dans l'année. Qui tu suces dans la nuit, des A veut dire dans l'anuscrit. Petit Nostradamus, que vois-tu dans mes manuscrits? Tu me casses les burnes, ma musique est plus solide. Sous fif, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. T'as fait ton enquête, pourquoi tu me rappelles comique? Tu me casses les burnes, ma musique est plus solide. Sous fif, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. Des A, que t'ont-ils appris sur ma chrape? Me raconte pas ta vie sale con, notre avis seul compte. Tu connais quoi on rap depuis ton balcon? Tu ne feras jamais mieux que remplir nos comptes. Dans la coucoune de ta major, on sait bien que c'est ça le comble. Tu viens des grandes écoles, mais malgré tes efforts, à toute époque, c'est nous qu'avons les épaules. Tu te retires du bise quand notre code baisse, et qu'une chienne quand ça buzz, tu subis qu'on te baise. C'est nous qu'allons sur le ring et qui nous fightons. Toi tu te la joues mesquine, t'es bon quand t'es pile le chaton. Crois-tu pouvoir jouer avec qui que ce soit? Léa Poulot, même si c'est des kits ce soir. On connaît bien tes codes et tes principes. Les radios sont tes macros, tu laisses traîner tes slips. Léa, on sort nos braquemars de leur fourreau. Ferme ta gueule, les larmes et du sperme sur ton bureau. Tu me casses les burnes, ma musique est plus solide. Sous fif, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. T'as fait ton enquête, pourquoi tu me rappelles comme? Léa, tu restes bête. Quand je t'explose à la gueule, tu respectes. Tes conneries espérons en espèce, t'as pas le pif. Qu'est-ce que tu prospectes, mec? Je t'écoute pas sans le tchoum, qu'est-ce qui te resterait? Ils t'ont formé à nous endormir, les initiés sont vaccinés, ça c'est trou du cul, oh, homie. Le prédateur devient la proie, t'as pas le choix. Des haches, t'utiliserais comme une fille de joie. Tu me casses les burnes, ma musique est plus solide. Sous fif, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. T'as fait ton enquête, pourquoi tu me rappelles comique? Casse les burnes, ma musique est plus solide. Sous fif, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. Des A, que t'ont-ils appris sur ma graphique? Tu me casses les burnes, ma musique est plus solide. Sous fif, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. T'as fait ton enquête, pourquoi tu me rappelles comique? Tu me casses les burnes, ma musique est plus solide. Sous fif, tu m'enverras mon chiffre par colis. Je te la joue musicos, c'est pas du joli. Des A, que t'ont-ils appris sur ma graphique?